Toujours à l'occasion de la journée du soleil, anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, ont eu lieu les rassemblements commémoratifs, séminaires sur ses exploits, conférences, expositions de livres et de photos et séances de films coréens dans diverses unités d'activité du Nigeria. Y étaient exposées les photos montrant la noble vie révolutionnaire et les exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, et les photos sur les activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y étaient exhibées les œuvres classiques des grands hommes Paektosan, les livres et les photos présentant des succès des militaires et civils coréens remportés dans l'édification d'une puissance socialiste. Dans les séances de films, on a projeté les documentaires coréens comme « Kim Il-sung, monument à la fondation du parti » et « Pyongyang d'aujourd'hui ». Y ont pris part les personnalités des partis politiques, des gouvernements des États, des formations et des établissements comme le Parti populaire démocrate, le Parti progressiste du peuple et le Comité national d'études du Kim Il-sungisme Kim Jong-ilisme du Nigérian, ainsi que du Comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen siégeant dans ce pays et autres habitants.